Et bonjour tout le monde, bienvenue dans La Pochette numéro 21. Comme tous les mois, on découvre un album. Et ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de mon écoute intensive de ce moment. C'est un groupe qui s'appelle Marel, M-A-R-E-2-L, qui a sorti un premier EP, son tout premier EP de 4 morceaux début 2024. Donc ça fait quelques mois. Il s'appelle Places That We Know, qu'on pourrait traduire par les endroits que l'on connaît ou quelques endroits que l'on connaît. C'est un trio qui se présente comme un trio toulousain de rock alternatif. On peut y retrouver notamment au chant Paul, je n'ai plus le nom de famille, je suis désolé, qu'on a pu entendre dans Blogne, dont on a fait l'interview le mois dernier, à la batterie Julen Echeverri, que les amateurs de musique au Pays Basque connaîtront certainement, qui est batteur dans pas mal de groupes du coin. Et donc, un troisième larron, un bassiste. J'ai pas pu trouver le nom parce qu'ils sont assez discrets sur ça. Sur les quelques réseaux sociaux que j'ai pu trouver, ben, il y a aucune mention de leur nom. Mais j'espère les recevoir dans silence d'ici quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, on verra, pour parler de tout ça. Donc, trio de rock alternatif toulousain, qui nous a sorti 4 chansons que j'ai découvert, moi, il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça, à Topatopia, festival alternatif à Cambo, que je vous conseille très très fortement. Je crois qu'on a déjà parlé sur cette antenne. Voilà, donc 4 chansons assez calme finalement. C'est pas du rock ultra ultra pêche, ultra tabasse. Alors il y a quelques petits moments qui sont comme ça effectivement, mais c'est loin d'être que ça. C'est plutôt ambiance, tout ça, avec une guitare très arpégée, très réverbérée, très délai, très vous avez compris. Et donc j'aimerais vous parler de deux chansons peut-être en particulier, la seconde qui s'appelle donc Places That We Know, qui est accompagnée d'un très beau clip que vous pourrez retrouver sur YouTube et qui m'a foutu une petite claque quand je les ai vus en concert, notamment pour le riff d'intro, à un moment donné il y a ce riff qui pop comme ça et il m'a foutu une énorme claque. J'adore ce riff et du coup j'adore cette chanson et c'est pour ça un peu que je leur avais acheté le EP à la base. Et puis pour conclure le EP donc de 4 morceaux, une espèce de berceuse. Alors oui, c'est très calme, l'album est très calme, mais il y a ce côté très très enfantin, très redondant que j'aime beaucoup, voilà, qui me fait penser moi à une berceuse. Je sais pas si eux l'ont imaginé comme ça à la base. On pourra peut-être leur poser la question dans quelques semaines. Ils ont donc un EP à vendre. Vous pouvez le retrouver sur Bandcamp à 7€ en physique. Donc voilà, vous le commandez, vous l'envoyez, ou à 5€ directement en digital, comme on dit. C'est-à-dire que vous pourrez l'écouter en illimité sur Bandcamp et le télécharger. On va pas se mentir, ce genre de truc, c'est surtout un soutien au petit groupe, parce que ben évidemment l'album est disponible absolument partout. Enfin, j'imagine eux sur leur page Linktree, ils ont listé Spotify, Apple et Deezer, mais connaissant le mode de fonctionnement de ce genre de truc, c'est disponible à peu près partout. Donc voilà, vous pourrez le retrouver assez facilement. Marel, M-A-R-E-2-L, et l'album c'est Places That We Know. Pour retrouver leur actu, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et voilà, moi je vais vous laisser avec ce petit EP de 4 morceaux, et avec, je vais pas dire la promesse, avec l'espoir de retrouver le groupe à l'antenne de Radio Culture d'ici quelques mois. Voilà, vous pourrez nous retrouver comme d'habitude sur radioculture.wordpress.com. On a eu quelques soucis ces derniers temps, si vous écoutez pas ça en replay. C'est vrai que le site, l'hébergeur plutôt des émissions a eu des problèmes techniques qui durent un peu, mais bon, normalement ça devrait revenir assez vite. radioculture.wordpress.com, radioculture@gmail.com pour nous à envoyer un petit message si vous avez une recommandation à faire par exemple, et n'hésitez pas à aller sur Spotify, ou sur le site, on a un petit lien Spotify avec notamment une playlist dans laquelle on met tout ce dont on parle. Donc il y aura évidemment un morceau de Marel dans cette playlist. On arrive déjà, je crois, à 140 morceaux, quelque chose comme ça, 8 heures de musique. On m'a dit que c'était très bien pour les longs trajets en voiture, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes qui vont convenir à peu près tout le monde. Voilà, moi je vous laisse sur ça. Je vous rappelle, le groupe du jour c'est Marel, M-A-R-E-2-L, et c'est tout, Places That We Know. Et voilà, à bientôt.